Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse. Mon cœur n'était plus sans amour. Ensemble cette valse, nous l'avons dansée pour toujours. On s'est aimé longtemps, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même corps. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'était la dernière valse. Sans amour. Et pourtant cette valse aurait pu durer toujours. Est-ce là la vie? Tout est bien fini. Il me reste une valse. C'était la dernière valse. Mon cœur restait seul sans amour. Et pourtant cette valse aurait pu durer toujours. Qui tient ma main? Từng cơn sầu rớt trên mi người ơi. Trời mưa chiều nay buồn rơi khắp nơi xa vời. Giọt mưa từ đâu làm mắt tôi lệ rơi. Mùa mưa ôi thay sao buồn tây. Mưa rơi mưa mãi rơi. Giờ đây mùa mưa rời xa cuốn theo đau buồn. Trời mưa rồi cuốn đi bao mộng mơ. Tình anh giờ đây rời xa cũng như mây trời. Giọt mưa giờ đây là xót xa mình tôi. Mùa mưa ôi thay. La la la la la la la la. lại.